Écouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet en cette première estivale. Ben oui, première estivale. Alors, une belle saison de Critique de Crowd tout en festival. Et si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, effectivement, je critique les foules. Et des fois, je me dis que ça devrait être comme compte-rendu de Crowd ou observatrice de Crowd. Mais ce serait beaucoup moins accrocheur. Mais je t'observe, Crowd. Je m'amuse avec toi. Je batifole, je trash. On s'amuse ensemble. Et tu suscites en moi beaucoup, beaucoup de réflexions et de questions. Je crois que ça va encore une fois être le cas avec beaucoup d'anecdotes, parce que oui, je parle aussi de mon propre vécu en tant que spectatrice. Ouais, bien des réflexions autour des Francouvertes qui se sont terminées lundi, qui viennent passer là. Ben oui, c'est tout frais. On a appris que l'AF remportait cette 22e édition qui se passait au Club Soda. Alors, compte rendu, oui, de la finale, mais aussi de tout le festival, parce que je suis allée deux fois au préliminaire. Il y a trois soirs aux demi-finales. Je suis pas perdue dans mes chiffres. Fait que oui, j'ai butiné un peu dans la programmation des Francouvertes. Alors, compte rendu. Et j'en ai vu des groupes. Alors oui, la F, Louis-Adrien Cassidy, Crab, of course, J. Scott et Smithy Bacalé, Valsparade, Mathieu Bébé, Zouz, Morose. Je sais pas si je vais garder de faire un compte rendu de tous les groupes. Comme je dis, ce sera peut-être un aperçu un peu plus général de l'événement. Mais chose certaine, oui, ça a suscité beaucoup de choses en moi. Et ce qui suscite beaucoup de choses en moi aussi, c'est... c'est la balle molle, parce que pour moi, c'est ma façon de me réconcilier avec les sports d'équipe. Je t'aime, Crowd, mais les sports d'équipe, c'est pas mon fort. Et je suis dans la merveilleuse équipe de CISM. CISM, vous pouvez nous voir au parc La Fontaine, en train de... essayer de gagner. Oui, moi, j'essaye fort d'appuyer mon équipe en faisant des points. Et notre merveilleux Simon Bolduc a écrit des chansons sur la balle molle, sur le baseball, son sport favori. Ils sont déjà plus disponibles sur Internet et je vous avouerai que moi-même, j'ai pas eu l'occasion de les écouter. Alors, c'est une première peut-être pour tout le monde. En ce moment, profitons-en avec la chanson « Frapper pour 1000 ». C'est le gars qui avait quand il était petit, puis il est déjà vainqueur. se voit trop drôle. Mais le gars se voit trop drôle. Petit hymne à la balle molle par Bolduc tout croche. Peut-être qu'on aura l'occasion d'entendre. Il y en avait 3 chansons sur son EP, tout à fait disparu des internets. Alors voilà, vous écoutez toujours Critique de Crowd. Qui te jase des francs couvertes? Et peut-être potentiellement, j'ai des doutes que tu ne saches pas c'est quoi, mais on sait jamais, hein? Mais qu'est-ce que les francs couvertes? Me diras-tu? Écoute, c'est un concours vitrine qui existe depuis 95. On est à la 22e édition, si tu sais compter. Là, tu vois, je suis en train d'avoir un doute encore. Mon Dieu, j'ai de la misère avec les chiffres. Mais justement, j'ai pas de la misère avec les chiffres parce que le festival, il durait comme du... J'ai dit festival parce que pour moi, oui, il y a peut-être une forme de festivité à l'intérieur de ce concours vitrine qui se déroulait du 19 février au 7 mai. Mais les préliminaires commençaient du 23 février jusqu'au 12. Et par la suite, c'était les demi-finales du 19 avril au 4 mai. On peut sentir, oui, ça se passe bien longuement dans notre année. Alors, c'est à chaque lundi au Lion d'Or. Par la suite, la finale se déroule au Club Soda. Et en première partie, oui, il va y avoir toujours 3 groupes concurrents qui ne compétitionnent pas entre eux puisque les votes sont cumulatifs. Alors même si, par exemple, il va y avoir une soirée plus rock ou plus hip-hop, ce n'est pas une compétition entre le rap et ni entre les rockers. Ça se fait bien en tout de tous ceux qui sont candidats dans le festival. Et parmi ces candidats, ben, il y a les ex qui viennent en première partie durant la soirée pour faire une prestation. Et voilà, c'est bien agréable. Je dis c'est agréable, mais... Bravo, Jolène. Non, j'ai assisté à aucun... Ouais, je sais, j'arrive tout le temps en retard. Fait que, mais en même temps, je me disais que mon retard était quand même pas si pire. Je manquais les ex, je manquais pas les candidats. Je me trouvais pas si pire là-dedans. Parlant d'ex qui n'était pas nécessairement dans les prestations, les francs couvertes, pour moi, c'est un concours qui a beaucoup son importance pour... oui, le nombre de prix, c'est une pléthore de prix qu'ils remettent. Il y en a, veux-tu, en v'là, et de très, très, très beaux prix pour les artistes enregistrements, prestations. Et pour moi, c'est aussi la crédibilité de l'événement. Quand on regarde parmi les finalistes et les gagnants, parce que même ceux qui remportent pas, ben on voit qu'ils ont fait du chemin. Allez voir vous-même sur leur site Internet les archives, ça peut être... ouais, quand même impressionnant, je pense, à la 5e édition des francs couvertes. Les gagnants, c'était le Colocas. Et en deuxième, c'était les Cowboys fringants. Ouais, tu sais, quand tu gagnes pas un concours, tu peux être un peu relatif. Je pense aussi à l'année... C'était la 7e édition. En 2001-2002, il y avait Carquois qui avait pas gagné. Encore une fois, je crois que il y a comme l'envergure des francs couvertes qui dépasse le fait de gagner ou non. Oui, je peux penser aussi aux Sœurs Boulées qui ont gagné le concours. Puis on voit exactement les répercussions que ça a eu sur leur carrière. Alors, ouais, pour moi, il y a déjà ça un peu, je sais pas, que je mets en relief pour les francs couvertes, parce que peut-être que pour concours, certains, et surtout les familles, ceux qui vont venir encourager, ça leur tient à cœur que ça gagne. Mais ça peut être beaucoup plus que ça. C'est qu'est-ce que tu en fais peut-être des francs couvertes en tant que musicien? Ah, je ne saurais dire, je ne suis pas dans les coulisses, j'étais dans la crowd. Hey, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur l'édition justement avec Carquois. Je sais pas vous, crowd, mais moi, genre des fois, je me demande, tu sais, les cas, tu sais, il y a eu une tendance à remplacer les C par les cas, puis je me demandais c'était en quelle année, puis je me dis que c'est exactement 2001 parce que... parce que durant la 7e édition, ben, il y avait aussi Karloff Orchestra, puis il y avait aussi Cool Shot Connection. Tout des cas! 2001! Puis 2001, étant donné avant que les éditions se séparaient en deux années, là, l'automne et le printemps, ben, 6e édition, qui c'est qui a participé aux francs couvertes? Là-dessus, je suis restée un peu bête, j'aurais pas cru. Kate, oui, Kate, avec un K, avec des tréma aussi, tu vas me dire, mais un K, 2001, l'année des K, c'est résolu cette question-là, je sais, ça vous titillait, en tout cas, moi, oui, enfin, je vous le partage. Sur ce, je vous ai parlé un peu du vote, vous avez-tu parlé du vote? Parlons du vote. En tout, dans toute la démarche, il y a 66 juges, autant pour la présélection et après ça, différents jurys qui vont varier des préliminaires jusqu'à la finale, mais... Crowd, tu as du pouvoir, puisque c'est 50% de toi qui a raison sur le vote, et l'autre 50, c'est le jury. Par contre, comme l'aura si bien dit l'animatrice pour les soirées, Isabelle Ouimet, il faut que tu fasses des phrases avec des sujets, des verbes et des compléments. Je dis « des » parce que quand même, juste une phrase, ce serait un peu tristounet, mais sûrement que les votes étaient quand même acceptés pour une phrase telle qu'ils étaient bons. Ben oui, ça fait la job. Autrement, ben oui, était disqualifié tout vote qui comportait des symboles phalliques mystiques, YOLO dope, comme encore une fois si bien dit Isabelle à la finale. C'était bien savoureux comme explication. Et aussi, ben oui, fallait rester jusqu'à la fin. Alors, même si tu étais un hyper partisan pour un artiste et que, fallait absolument là, que tu votes juste pour lui puis que tu lui donnes 100%, puis que tu t'en fous des autres. Ben, ça marche pas exactement comme ça. Et même que tu peux être généreux et donner un beau 10 sur 10 à tout le monde ou un 10 sur 10 à d'autres qui ne sont pas tes amis. Ah, je touche, on dirait, certains points sensibles. J'ai dit amis, famille. Je vais revenir là-dessus dans pas long. Parce que j'ai envie qu'on écoute, ouais, justement, un ex-candidat ou des ex-candidats, puisque c'est un groupe. Ils avaient participé aux Francouvertes. Et, ouais, en les voyant dans les archives, ça m'a donné beaucoup, beaucoup le goût d'en écouter. Gwen Wedd sur les ondes de CISM avec la chanson Gwen et les rats. Gwen Wedd, j'espère que ça t'a fait autant plaisir que moi, Crowd, d'entendre Gwen et les rats sur l'album. L'amour, la haine, les animaux, les automobiles, c'était des candidats qui ont fini en finale de la 4e édition des Francouvertes, Gwen Wedd. Et oui, t'écoutes toujours Critique de Crowd. Qui? Ressens le malaise dans mes cordes vocales et dans mes fausses cordes vocales parce que... Je réalisais aujourd'hui que je suis vraiment allée comme une mauvaise spectatrice aux Francouvertes parce que je n'ai pas voté. Je me suis abstenue tout le long et il me semble que c'est le point principal quand tu vas aux Francouvertes, c'est bien de voter. Et c'est vraiment... je me suis dit, ah, j'ai envie d'être impartiale, j'ai envie de juste observer la foule, puis ça marche pas, j'ai vraiment pas eu la même... Ah, mon Dieu, le même manque que du tout de la crowd. La crowd est là pour encourager, la crowd... Bon, à vrai dire, moi, je pense qu'il y a trois raisons que t'ailles au Francouverte. Soit c'est ton fils, ta fille, ton ami, fait que t'as un rapport de proximité, amical, fraternel, de famille, d'amitié, d'amour. Ouais, oh, mon Dieu, j'ai oublié de mentionner, ben oui, ça pourrait être ton chum, ta blonde, ton amant, ta concubine. Tu peux être un média, comme peut être un peu critique de crowd pour CISM, mais aussi, je pouvais repérer dans la foule divers visages qui chroniquent, qui écrivent, qui parlotent pour des médias. Et finalement, ils sont tous, au final, dans toutes les catégories, je crois qu'on est tous mélomanes, mais il y a souvent un rapport, une raison pour laquelle on se présente au Francouverte, émotive ou plus ou moins professionnelle. Et, mais purement mélomane, c'est quoi le ratio dans la foule? Je sais pas. Je me sens un peu mal, mais je suis quand même heureuse de vous confirmer qu'il y en avait. Je salue Vincent, qui était plusieurs fois présent au Francouverte, un habitué de CISM. Mais aussi, c'est un fan de crabe. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut être partisan de la musique de quelqu'un, mais on n'est pas partisan de sa personne. T'sais. Si tu le connais pas personnellement, ben, je veux dire, ton amour pour le groupe n'est pas biaisé parce que juste tu connais comme la personne. Alors, enfin, ça prouve quand même que tu y vas avec un certain parti pris, mais qui pourrait être un peu plus objectif. Et, ben, tu y vas quand même pour amour. Ah, l'amour, ça change tout, hein? Ça change tout, même dans les votes des Francouvertes. Ça, je trouve que quand même, c'est vrai que ça va changer de quoi dans la foule sur comment on apprécie le spectacle. Et il va y avoir d'autres facteurs aussi qui font que ça peut être, le spectacle peut avoir... c'est quelque chose, c'est à suivre. Fait que pour moi, il y a beaucoup cet aspect émotif-là qui est important dans la foule, mais qui n'est pas tangible. Tu sais, tu peux pas non plus questionner tout le monde à savoir c'est qui la maman de qui, là. Fait que, tu sais, tu déduis peut-être. Ou juste, le sentiment d'appartenance par les cris, on va le ressentir des fois, il y a des groupes, qu'on le sent qu'il y a des gens qui sont venus pour eux. Pour quelle raison? Ben, encore une fois, je trouve qu'il y a trop de catégories pour simplement dire, ah, ils ont beaucoup d'amis. Et c'est un des points, je trouve, qui revient souvent quand on parle de concours. Là, je vais parler en général. C'est le facteur popularité. Et ici, il y a 50% du vote qui compte. Je trouve ça quand même un peu étrange. Je trouve pas crowd. Parce que tu peux être tout seul et être hyper populaire. Tu peux être une personne, un artiste, et avoir beaucoup, beaucoup d'amis, mais qui se pointent pas nécessairement. Fait que tu peux être hyper populaire dans la vie, mais pas comme dans ta salle de spectacle. Je sais pas, mais il me semble qu'il y a plein de facteurs. On dirait que plusieurs veulent accuser « Ah, c'est juste un concours de popularité », mais je sais pas, avec ce calcul-là, il devrait avoir nécessairement plus souvent des groupes qui gagnent que des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, dont le sentiment d'appartenance avec l'artiste revient à une seule personne et moins avec les musiciens qui l'accompagnent. Je sais pas, je trouve ça... Ça, c'est un des points, je sais pas, mais qui revient dans l'entraide, dans les discussions qu'on peut avoir avec notre entourage ou on peut l'entendre dans la crowd. En dehors aussi, tu sais, juste à jaser de concours, ça peut revenir. Et le sentiment un peu gérant d'estrade, c'est drôle parce que, me semble que tu vas au quai, tu vas à l'ESCO, puis tu vas voir le premier show à vie d'un groupe, puis tu vas pas nécessairement faire comme « Ouais, c'est pas encore à la hauteur, je trouve que ça faisait un peu cégep en spectacle. » Ah, quelle phrase, ça m'énerve. Fait, je trouve qu'on est vraiment plus difficile, mais en même temps, on est dans un contexte plus critique aussi. On dirait qu'on joue soit à la transposition ou aux suppositions. On se dit « Ah, moi, je pense que lui va gagner, peut-être plus lui, ah, moi. » Puis sinon, transposition, parce que tu fais comme si j'étais le jury, qu'est-ce que je ferais? Fait qu'on n'a pas, encore une fois, on n'a pas un rapport purement de spectateur. Il y a comme plein de petites couches comme celle-là, je crois, qui changent notre perception du spectacle en tant que tel. En tout cas, moi, ça me fait, tu vois, critique de crowd est toute... Alors, pendant que je vis beaucoup d'émotions puis que je vote pas, ben, il s'est passé bien des affaires durant Of Course. On s'en va en écouter, puis je te jure ça après la musique. Respiration. passion, on aspire. Notre histoire tournante, notre histoire tourne au spleen. Marie-Lise, toi t'as des idées pour, moi j'ai des idées clean. Nous deux, ça sonnerait beau, il est temps de craquer. C'est bien ce que tu veux, non? Marie-Lise, Marie-Lise. Cette chanson, de, of course, je crois que je pourrais plus l'écouter de la même façon depuis les Francs ouvertes. Vous venez d'entendre Marilyn sur leur album Naufrage, un jeudi. Il faisait partie d'une soirée qui avait une certaine tangente hip-hop durant les Francs ouvertes. Alors, il y avait Jay Scott et Smithy Bacalé. Et il y avait aussi la F. Et voilà. Et c'est la première soirée que j'assiste aux Francs ouvertes. Et la première avis, je tiens à le mentionner, Crowd, là, j'étais toujours pas allée aux Francs ouvertes depuis les débuts de critique de Crowd. Pourquoi j'ai pas eu de doute? Je suis rentrée au Lion d'Or et ce fut un cri d'effroi intérieur parce que oui, je me suis retenue. De témoigner de « Ah, mon Dieu, ma haine du mobilier! » Oui, c'était en version cabaret. Je me semble que le Lion d'Or, ça pourrait être très bien à une version cabaret. T'sais, là, je trouve que c'est bien installé. La dimension de la salle est bien faite pour, parce qu'il y a quand même de l'espace pour se déplacer, pas tout le temps se sentir coincé entre les tables. Là, vraiment, il y a deux sections tables. Mais pour moi, je me suis dit « Oh mon Dieu, mais quelle triste façon de tuer l'ambiance! » C'est complètement... Tu vois, j'en perds mes sentiments et toute ma façon de parler. Le mobilier, il est fort confortable. Et oui, tu assistes bien tranquillement au spectacle. Mais ça fait quand même en sorte que je sais pas à quel point on voit le groupe de façon optimale. Puis, durant la prestation, je me disais plutôt l'inverse. De fait que c'est difficile d'avoir accès à la scène ou peut-être de danser de façon un peu plus libre, debout. Peut-être que oui, ça permet de pas avoir une certaine forme de favoritisme comme les gens qui sont trop partisans, soit en avant, puis que ça... Ça biaise notre perception du spectacle en mettant un peu tout le monde au même pied d'égalité, comme tout le monde est assis, c'est un peu frette, toi, musicien, tu vas travailler fort pour mettre de l'ambiance dans cette salle ou montrer que tu as un charisme naturel, que tu as un savoir-faire exceptionnel dans des circonstances qui peuvent être les plus difficiles. Fait qu'au final, je me dis, ah, c'est vrai, c'est quand même pas si bête de placer dans ces circonstances-là les groupes dans un contexte de concours. Mais pour Critique de Crowd, c'était atroce, là. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est bien épouvantable, aïe, aïe, aïe. Et je m'étais fait confier comme ça, doucement, dans le creux de l'oreille, que ça allait être probablement la soirée où ça allait être le plus dynamique, puisque c'était la soirée avec un hip-hop, comme je vous ai dit. Puis je me dis, hey boy, c'est ça, genre la soirée la plus énervée. J'ai pas hâte de voir la suite. Mais oui, pour les artistes, mais non pour l'excitation dans la foule qui est retenue, qui n'est pas... Bref, j'étais dans tout un état, jusqu'à Of Course, qui nous invite à... Of course, avec leurs paillettes, leurs funk, leurs disco et leurs souliers qui illuminent. Oui, comme les souliers pour enfants, vous me direz, mais pour adultes. Et quand ils ont suggéré à des gens comme ça de venir danser sur scène, parce que puisqu'il n'y avait pas de place pour avoir une piste de danse, autant la créer sur le stage. Aïe, aïe, aïe, il fallait pas plus en demander parce que, hey, je me lançais, puis après ça, j'ai une petite retenue. Ça a l'air drôle comme... ça va avoir l'air drôle comme commentaire, mais des fois, j'ai un doute, tu sais, sur mon ouïe, tu sais, l'acouphène ou... Je sais pas vous, crowd, mais moi, le cours sur Descartes au cégep m'avait beaucoup marqué. Tu sais, ça dit qu'on avait un malin génie sur notre épaule, puis là, des fois, il fait faire des doutes, puis des fois, il nous fait faire des affaires, tu sais, comme, ah, es-tu certain de tes sens, Jolène, as-tu entendu les bonnes affaires? Fait que j'ai vérifié auprès de la crowd, pour être certaine que j'ai entendu la bonne affaire avant de monter sur scène, puis qu'on fasse comme, qu'est-ce que tu fais là? Fait que non, crowd, tu m'aurais aidé parce que tu m'as confirmé qu'effectivement, le chanteur avait bien proposé de monter sur scène. Là, je me sentais un peu tenue de faire ça tout seul, fait que je vois notre cher animateur à CISM, Mathieu Aubre, et je le pointe, je fais comme « Hey, monte avec moi sur scène ». Et on a été deux. Hey boy, Critique de Crowd n'attire pas les foules. Fait que moi, on a été deux durant la toune qui dure 4 minutes 30 à danser. Au début, c'était drôle et sympathique. Juste à temps que je perde mon téléphone puis je sais pas où me mettre. Là, il était comme perdu dans mon linge. Puis en même temps, je voulais continuer à danser puis j'étais sur scène puis je me disais comme, mon Dieu, j'ai pas envie que la foule comme me voit fouiller dans mon linge. C'était pas étrange. C'était un moment de malaise puis tu sais pas comment le gérer puis tu gardes un peu de prestance puis tu dis, mais pourquoi? Là, c'est pas moi qui est candidat, là, mais reste que ça fait un peu étrange. Et ça a été, ouais, ça m'a demandé un certain niveau d'imagination parce qu'après 2 minutes 30, là, j'avais fait le tour de mes moves. Rigolo, pas rigolo, un peu relax. J'étais pas non plus en train de faire la corde à linge ou « Ah mon Dieu, t'es la tondeuse! » Fait que disons que dans la rigolade, j'étais modéré. Je voulais pas être show-off non plus parce que déjà qu'on était juste deux sur scène et qu'on l'a assumé jusqu'au bout. Je te remercie beaucoup, Mathieu, de m'avoir accompagné dans ma démarche. Reste que ce qui est drôle, c'est qu'après, le groupe a remercié Mathieu parce qu'il l'avait reconnu et moi, je suis passée dans le bar complètement. Je me suis dit peut-être que je suis invisible. Tu vois, là, peut-être que Descartes m'aurait fait dire « Hey, Jolène, es-tu vivante ou es-tu transparente? » Ouais, c'est vraiment, parce que par la suite, j'ai même lu des critiques des Francouvertes qui mentionnaient qu'il y avait comme une seule personne sur scène. J'étais comme « Mais voyons, j'existais! J'existe! Je m'appelle Jolène Ruet puis j'anime Critique de Crowd sur les ondes de CISM puis j'ai dansé durant les Francouvertes, of course. » Mais tout ça n'existe pas parce qu'on dirait que personne l'a retenu, personne en salle, personne du groupe. Ça m'échappe encore, mais je vis bien avec ça parce que je sais que je suis vivante, ça va bien. Et que je suis aussi au départ de cette démarche. Je sais pas non plus quel effet ça aurait fait s'il y avait personne qui était monté sur scène. Tu sais, là, on était deux, puis l'ambiance est pas de feu non plus durant les Francouvertes, là, dans le sens où... ouais, c'est ce que je m'attendais. Parce que c'est ça, le gros point! Quelques semaines plus tard, il y a Crabbe qui va faire la même chose, inviter des gens sur scène. Et ça leur a avéré être beaucoup plus chaotique que cette fois-là avec Of Course. Même que la sécurité, mais même l'organisation des francs couverts, ça a l'air qu'ils ont pas trop trippé. Ils étaient comme, oh mon Dieu, gestion de mosh pit sur scène. Ah! Alors, j'ai été fort déçue de manquer ça. Et surtout, je suis bien heureuse de cette contradiction. On m'avait dit que ça allait être tranquille aux francs couverts, mais je crois que Grab, pour bien des aspects, auront faussé la donne. Alors, je crois qu'il y a des possibilités à ce que ça s'énerve beaucoup plus qu'on le croit durant les francs couverts. Je t'en jase beaucoup plus longtemps après les publicités. À tout de suite. ZAFEST est de retour. Le Festival Punk Rock de Montréal célèbre sa 8e édition au cœur du magnifique centre-ville de Montréal les 18, 19 et 20 mai prochains. Offrant des spectacles extérieurs gratuits allant de Face to Face à Real Big Fish, Anti-Flag, The Creepshow et plus encore. Plus de 180 groupes dans 5 lieux sur 3 jours. Jardin de bière extérieur, activités pour enfants, yoga, punk rock, tournoi de baseball et beaucoup plus. Présenté par la brasserie Bose All Natural, Le Trou du Diable et Sailor Jerry. Visitez poudzafest.com pour la programmation complète, les billets et l'horaire. Voir un classique en famille sur écran géant? Quoi de mieux pour commencer sa journée? Présenté au cinéma du parc les samedis et dimanches matin à 10h, découvrez Matin au parc, une nouvelle série de films qui conjugue classique et perles rares pour petits et grands. Matin au parc, le rendez-vous matinal pour la relève des cinéphiles. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Venez vivre des moments inoubliables en famille avec le festival Petit Bonheur à Montréal du 4 au 13 mai. Au programme 150 représentations artistiques culturelles. Visitez le www.petitbonheur.ca ou réservez au 514-872-7727. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Dans le cadre du 34e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tient du 17 au 20 mai 2018, CISM 89.3 est fier de présenter le concert du groupe japonais Afrirampo le samedi 19 mai à minuit. Préparez-vous à une tornade multicolore qui soulève tout sur son passage. Pour plus d'informations, visitez le www.fimav.qc.ca. Du 17 au 20 mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 34e FIMAV. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Corridor avec la chanson du Moyen-Âge à l'âge moyen de leur plus récent album Super Mercado. Vous écoutez Critique de Crowd et c'est pas pour rien que je vous passe du Corridor, premièrement parce que c'est fort excellent et deuxièmement parce qu'ils sont en spectacle ce soir avec Moonwalks, Space Face et Bergnark Lakes. Ça se passe tout ça dans un beau sous-sol d'église, tout à fait psych. Ben oui, c'est le Distortion Psych Fest qui se passe à l'église Saint-Enfant de Jésus du Mainland. Mes suggestions de spectacle cette semaine, et oui, seront fortement teintés du festival parce que leur programmation, je la trouve bien, bien belle et je vais vous en reparler la semaine prochaine. Mais si tout d'un coup, tu étais plus du genre ska et tu as besoin d'un peu de soleil en cette journée tout à fait grise et pluvieuse, il y a un hommage à Sublime au Club Soda et je... Je suis toujours un peu fascinée par les shows hommages. Il me semble qu'il y en a beaucoup de Sublime. C'est toujours le même Ben. Va falloir que j'enquête sur le sujet. C'est à suivre. Vendredi, Fidèle Fiasco dans un party gypsy punk folk à l'escalier vont jouer. Et je fais pas assez de suggestions à l'escalier. Alors allez-y gaiement. Et voilà, et voilà. Sinon, c'était plus Pouel. On va aller voir The Swords au Foufoune électrique. Samedi, les Marinelli vont jouer avec Ponctuation, Makeovers, Barry Paquin, Robert, Paul Jocko. Encore une fois, à l'église Saint-Enfant, Jésus. Dimanche, à l'ESCO, Dune avec Jane and the Magic Bananas et en DJ set Xara Dion. Lundi, les Melvins au théâtre Conrona. Mardi, Speedy Artist à la Vitrola. Mercredi, finalement, Bishop Briggs à l'Astral. J'ai mentionné les Marinelli. Allons en entendre. Et sinon, ben juste avant, Alex Burger, qu'ont-ils tout ça en commun? Ben oui, ils sont sur le palmarès francophone de CISM. Thank you. Respectivement en 20e et en 17e position du palmarès francophone, Alex Burger et les Marinelli avec leur chanson Maintenez et Peinture à numéro. Pour toutes les autres tunes, ben on a un site, une application, puis ben il y a des belles affaires pour découvrir cette musique qu'on vous passe tout le temps sur les ondes de la marge, le 89.3 FM, CISM. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd dans ce spécial. Ah, on aime ça les spéciales à Critique de Crowd. Spécial Francouverte. Et bien rapidement, j'étais en train de me dire, voyons, Jolène, tu t'es contredit tantôt. Parce que, oui, la version cabaret du Lion d'Or est aussi au Club Soda, parce que c'est la dynamique tout le long du festival, c'est de s'asseoir pour voir nos shows. Ben, oui, ça va, il va y avoir quand même un peu d'ambiance. Oui, assis, je crois qu'il y a certaines façons de danser, disons, du haut du tronc, là, tu bouges pas trop les jambes, quelques mouvements de bras, il va y avoir une certaine forme d'excitation physique. Mais, tu peux être debout, tu peux danser, tu peux vivre ton rap tout à fait. Vraiment dans la craque de la salle, je vous ai dit qu'entre la section avant où il y a des tables, il y en a aussi en arrière. Finalement, là où il y a le passage pour aller aux toilettes puis aller au bar, peut être même très monopolisé par des gens qui veulent bien vivre leur musique. En avant, vraiment, ce serait difficile, peut-être ce serait un peu effronté là, d'être vraiment en avant direct de la scène. Mais sur les côtés, encore une fois, il y a des possibilités d'être debout. Il va y avoir quand même aussi beaucoup de gens. Des fois, la salle est pleine, question chaise, mais encore capacité pour la salle. Fait que oui, les gens peuvent regarder le spectacle debout. Il y a quand même des petits spots un peu comme ça, ici et là, des fois même un peu cachés. Je pense à la gauche de la salle, là, vraiment tapis dans l'ombre. Il y avait des fois des petites cliques qui pouvaient danser. Et même à des spectacles qui pouvaient être plus calmes. Je pense à la soirée avec Mathieu Berbé, Lou-Adrienne Cassidy et Valse Fréquence. Ben, à Valse Fréquence, il y avait quand même une bonne clique, dont une fille avec des ultrasons quand elle criait. Là, c'était comme « Ah! » Mais c'était aigu chez aigu, oui, oui. Et ben, on voyait, bon, oui, leur sentiment d'appartenance avec le groupe, visiblement, là, par les cris, par leur enthousiasme et par leur présence en avant que pour ce groupe-là. Mais oui, il était en avant, puis il y avait quand même une possibilité de danser et de s'amuser, même pour un show qui était quand même plus mollo là, par rapport à la soirée rap que j'avais vue précédemment. Et justement, soirée rap, là, j'en ai pas encore parlé, mais la F, oui, elle amène aussi sa foule et il va avoir une certaine ambiance. Et comme je vous ai dit en début d'émission, je crois que c'est facile de tomber dans le « Ah ouais, il attire beaucoup de monde, fait que c'est pour ça qu'il y a plus d'ambiance. » Mais je me suis fait bien avoir et complètement conquise par la F durant les Francouvertes. Je les ai vus aussi en demi-finale, alors on va s'en jaser de leur belle dynamique de groupe, mais on va aussi en entendre. Alors la F sur les ondes de CISM avec la chanson « Pas le temps ». Pas le temps de stresser, juste le temps de vibe. Là c'est juste le temps de trafic, après j'ai pas le temps de tester. Pas le temps, j'ai pas le temps, on m'a pas dit quand je parie. C'est juste le temps de vibe, oh c'est live, oh c'est live. Depuis que j'ai quitté trop d'énergie dans le corps, je vagabonde dans la ville espérant me perdre. Je rajoute à perdre. Mathieu, petit coquin. Il s'est invité en chanson parce que, ben oui, je n'ai pas parlé de ta performance. Je suis bien désolée, même si je t'aime beaucoup. Alors, je crois qu'il s'est invité dans le logiciel de programmation de la musique de CISM. Et vous écoutez Critique de Crowd qui fut autant surprise par ce cri d'oiseau. Et on va parler de la F et on va en réécouter plus tard. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Mais avant de rentrer... dans la salle pour les demi-finales des Francouvertes, j'ai bien failli ne pas y assister. Eh hey boy! Je vous ai dit que j'ai vu aucun des ex durant les Francouvertes parce que j'ai, bon, la très mauvaise habitude d'arriver en retard. Et là, mon retard aura vraiment failli m'écouter la soirée. Et déjà, j'avais fait plein de compromis avec moi et mon agenda pour me rendre à la toute dernière des demi-finales et j'ai compris que c'était une soirée fort populaire, un peu sur le tard parce qu'ils remettent beaucoup de prix. Et c'était complet! Ouais, j'arrive sur place et ça faisait peut-être moins de 10 minutes qu'ils affichaient complet la salle et j'étais en train d'être triste puis de pleurer. Non, je faisais peut-être pas tant pitié, mais je pense que je devais surtout gosser parce que je disais à madame à l'entrée comme « Ah, mais s'il y a quelqu'un qui part, je pourrais toujours rentrer. » Puis comme vous avez compris, ben les pour pouvoir voter, il faut rester là jusqu'à la fin. Alors c'est assez impossible que quelqu'un ait subitement envie de partir ou genre « Hey, j'ai oublié d'éteindre un rond chez nous. » Non. Fuck! Je restais là vraiment entêtée en me disant « Je vais rentrer, je vais rentrer, je suis pas venue pour rien, je vais rentrer, je vais faire cette critique de crowd. » Et là, j'attendais vraiment le miracle et le pire parce que la madame, elle m'a regardé bête. J'y suis arrivée, j'ai obtenu le miracle parce que je l'ai appelée. Elle s'appelle Anne-Julie et je la remercie énormément parce que j'arrêtais pas de répéter à tout le monde comme « Hey, t'as-tu un billet? Hey, ah, je veux rentrer! Ah! » Je gossais vraiment beaucoup et quand elle m'a entendu « Ah, tu cherches un billet? Mais j'en ai un trop, le veux-tu? » Et fait que je suis rentrée vraiment simplement, facilement au Francouvert dans cette demi-finale vraiment trop populaire. Alors... merci encore, merci, merci mille fois, d'où la raison qu'on va aller écouter Miracles avec la chanson Mille fois merci. Ils sont stressés comme si ils allaient sauver une vie. C'est la même histoire à chaque lundi. Des brûlots dans mes lunettes, comme cigarette sur cigarette. Puis mettre dans un pot de veste mélangée. Mille fois merci au rock'n'roll, m'avoir choisi. J'suis capable de siffler juste en travaillant. Flashback d'hier soir, était belle comme l'espoir de voir tout son paysage à l'heure. Watch up à matin, j'ai comme un sourire malin. Le show était parfait à Rouen. Mille fois merci au rock'n'roll, m'avoir choisi. Maintenant y'a plus grand chose que j'ai pu faire. La fumée, le soleil, le chantier cimetière. Maintenant y'a plus grand chose que je sais bien faire. Si je m'en souviens encore, j'en aurais pas mal les histoires. À me raconter tout seul sur mon lit mort. La fumée, le soleil, le chantier cimetière. Tout est là. Mais oui, merci, merci mille fois encore à Anne-Julie qui m'a permis de faire une critique de crowd tout à fait complète. Et sinon, mille fois merci, c'est aussi une chanson de Miracle sur leur album Motels. Critique de crowd! Bon, ben, rentrée, fait qu'elle va toujours bien checker le show. Bon, Rose, bien rapidement, je crois qu'ils ont réussi à pouvoir faire des moves rigolos à la foule en disant « Soyez original, il y a des prix à gagner », c'est une belle et douce ironie à annoncer à la crowd pendant les Francouvertes. Alors, on n'a pas gagné de concours, mais on pouvait faire des moves de main drôles. Il y en a même une qui faisait des petits moves de lapin avec des oreilles de lapin sur sa tête. J'espère que t'as compris. Ouais, comme si les lapins bougeaient leurs oreilles comme ça. En tout cas, j'ai pas vu un lapin. Ah! J'essayais de penser à tous les lapins que j'ai connus dans ma vie, puis je me disais, mais Sam, ils bougent pas tant de l'oreille, mais bon, on personnifie comme ça en tant qu'humain, puis c'est bien correct. Alors, Oui, quelques petits aspects rigolos. J'ai l'impression que mon cerveau, c'est surtout souvenu de la performance qui a suivi de la F, parce que ça te rentre vraiment là, dans ta face! C'est spectaculaire comment il rentrait sur scène et ils bondissent. Fait que ça fait même pas 30 secondes là, qu'ils sont sur scène et tu as déjà, oui, l'intérêt de les écouter jusqu'à la fin de leur performance parce qu'ils sont aussi infatigables, particulièrement en demi-finale. Je trouve que tu te dis, voyons donc, ils sont en train de faire leur sprint sur scène. Littéralement, il y en a un qui faisait du sprint sur place, là, c'était pour dire. Je veux dire, il me semble qu'ils n'arrêtent pas de bouger. Il me semble que tu n'as pas besoin de faire comme des exercices pour améliorer ton cardiovasculaire en plus. Alors, parmi toutes les passes et tous les moves qu'ils peuvent faire, ben oui, ils sautent. Des fois, ils font même des statues de sel. Ils vont se mettre à genoux, rebondissent. Oui, on va tout le temps dans les hauteurs parce qu'ils sont, grouillants et sautillants. Ce qui est beau aussi à voir, c'est, parlant de critique de crowd, mais pour moi, il y a quelque chose de crowd de, pour eux. Non, c'est pas une très, très grosse crowd. Ils sont quatre sur scène, incluant le DJ en arrière. Mais ils ont tellement une belle synergie qu'on voit la complicité tout de suite et que c'est placé. Il y a quelques mouvements là où ils sont un peu posés. On dirait boys band. Mais en même temps, ils sont tellement spontanés, c'est tellement naturel qu'on le voit pas comme un moment qui est hyper placé, mais plutôt comme un moment de complicité. Puis c'est tellement beau à voir. Puis on le partage. Puis ils sont quand même reconnaissants. C'est comme, ça me fait plaisir d'être bien entouré de vous ce soir. Tu sais, sympathique, mais pas trop têteux. Fait qu'on dirait qu'on fait partie, de leur crowd. Et leur crowd, oui, quand même au rendez-vous. Puis c'est drôle parce que, comme je vous ai dit, c'est la craque du Lion d'Or qui est comme le spot pour être debout. Puis c'est juste derrière les jurys, fait que le monde, il danse derrière le jury. Non, ça ne me... Je pense pas que ça change le vote, mais ça fait quand même drôle. On pourrait quasiment regarder au-dessus de leur épaule, voir, ouais, puis comment ça se passe. Alors, oui, vraiment, je trouve que c'est une performance qui m'a vraiment eu, tu sais, en tant que spectatrice. J'avais envie d'être proche des gens qui étaient debout, puis qui dansaient, puis qui étaient dedans parce que je ne vais pas voir la F assis. Et en même temps, c'est pas mal ça qui s'est passé tout le long des francs ouvertes. Fait que j'ai hâte de les voir dans d'autres circonstances. Et finalement, ça va finir la soirée avec Zouz. Ah, ben oui, je les passe souvent à mon émission. Je les aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas voté. Parce que je me dis, voyons, je suis biaisée. Je voulais regarder encore une fois, comme je vous dis, la foule de regards neutres. Mais c'est compliqué. C'est tellement pas la foule. Mais avec Zouz, j'ai l'impression qu'ils sont allés chercher de nouveaux spectateurs. Tu sais, une fille qui sort un « wow » de façon inattendue. Je pense qu'elle ne savait pas à quoi elle avait avoir à faire et que ça l'a eu. Fait que ça, je trouve ça, oui, très beau. Mais dans la foule, je crois que les gens étaient surtout attentifs. Quelques mouvements de cou, on peut, approuver musicalement au headbang ball, mais on est juste, on hoche d'approbation et de bonheur. Je crois qu'on est un peu plus dans ces eaux-là. Ça a été un moment de partage, mais un peu plus introvertif. C'est un peu difficile à discerner entre un show plate assis et un show où t'es plus intérieur. Ouais, c'est le genre de distinction qu'on pourrait discuter longtemps dans un contexte des francs ouvertes. Mais garde, viens de dire que je les aime beaucoup. Écoutons-en Zo sur les ondes de CISM avec Grenouille Club. No! Grenouille Club sur les ondes de CISM et Critique de Crowd qui arrive à l'avance. Oui, oui. Hey, quand même, j'apprends mes leçons. Fait que oui, j'arrive à l'avance pour la finale qui avait lieu lundi qui vient de passer. Et là, ça veut dire qu'il faisait soleil. Là, vous allez me dire, mais quel détail plus ou moins utile dans ta critique de Crowd? Je le sais, ça va être purement une parenthèse, mais j'avais vraiment envie de te le partager, Crowd. Parce que quand tu sors de Saint-Laurent, ben métro Saint-Laurent pour te rendre au Club Soda, ben inévitablement, tu traverses pas la rue, tu sais. Fait que tu vas pas comme tant observer les magasins et les bars de strippers. Ouais, le Kingdom. On passe tout le temps devant le Kingdom, mais tu sais, on veut pas tant l'observer non plus. C'est comme... C'est si tu regardes longtemps, ben rentre, je veux dire, vis-le au pire, mais sinon, tu passes devant, puis c'est tout. Mais à cause du soleil et peut-être de ma tête en l'air, là, je profitais de regarder Montréal. Oui, parce qu'il y a deux bâtisses qui se construisent à côté du Café Cléopâtre, tu sais, tant qu'à parler de stripper. Fait qu'il y en a deux qui se construisent, puis ils sont plutôt hautes, fait que j'avais la tête en l'air, puis je faisais, hey, mon Dieu, des nouvelles constructions. Tourne ma tête, je vois un lion, juché au-dessus du Kingdom. J'étais comme, hey, mon Dieu, depuis toutes ces années que j'habite à Montréal, que je vais sur la rue Saint-Laurent et que j'observe sa faune, ben crème, il y avait un lion juste au-dessus de moi et tout ce temps-là, je capotais. Puis après ça, j'ai descendu les yeux et tu sais, le magasin là, de surplus de l'armée, vraiment pas clair, là, ben il y avait un tigre. Là, j'étais comme, waouh, il y a même trop de félins. Comment ça, je pose une grande baie, Montréal, qu'est-ce qui se passe avec toi? Fait que j'ai vraiment... Ma soirée avait déjà comme une espèce d'aura de... Il se passe des affaires comme... Je manque d'observation. J'étais triste. Mais il me semble que je passe mon temps à regarder des détails. La crowd, comment tu respires. Il y a un tigre puis un lion à côté puis au-dessus de moi. Puis je marche puis je me rends pas compte. Fait que moi, je suis rentrée dans... J'étais dans cet état-là en rentrant au Club Soda. Et aussi à chercher ma place. Alors là, c'est là que mes yeux de haut lynx sont arrivés. Puis je suis bien heureuse de m'être trouvé une petite place en avant parce qu'être arrivée à 7h30, qui était techniquement l'heure pile pour que le show commence, il a plutôt commencé à 7h45. Mais ouais, j'aurais pu encore une fois rester debout. Puis. Disons que pour le début du spectacle, ça aurait pas tant été l'idéal. Mais par la suite, vous allez voir, ça va se lever, ça va s'énerver. Parce qu'au début, il y a Tire le Coyote et Claude Pelgag qui sont les porte-parole de cette année des Francouvertes. Alors, ils ont fait trois chansons ensemble. Ça a été quand même tranquille, à part des... Quand Shampoing a été présenté, parce que oui, il a un nom peut-être qui attire l'attention. C'est Tire le Coyote qui a dit, ça fait toujours cette réaction-là qu'on présente Shampoing. Puis je me dis, mais tu t'appelles Tire le Coyote. Enfin! C'est vrai que quand tu vas le voir comme tête d'affiche, t'es pas surpris de son nom, mais bon, celui qui l'accompagne peut bien s'appeler Shampoing s'il s'appelle Tire le Coyote. Aïe, aïe, aïe, la crowd et ses réactions, faut pas toujours comprendre. Ah, puis faut pas toujours non plus être trop choqué. J'en parle tout de suite. Choqué, insatisfaite de la foule à la table durant Lou Adrienne Cassidy, qui clairement était pas venue pour elle. Eh boy, non, hey. Ils ont jasé comme s'ils étaient dans une taverne. C'était un peu gênant. Au début, ça se sentait pas, mais plus le show continuait de Lou Adrienne, ah, ben oui, ça parle. Tu sais, vraiment, t'entends des phrases qui n'ont zéro rapport avec le spectacle. Je me dis, mais comment tu fais pour faire une discussion comme ça? Je veux dire, attends, il y a l'entraque. Puis l'entraque est quand même assez long, là. Fait que tu vas avoir le temps d'en profiter puis de raconter ta fin de semaine puis de parler de ce que tu veux. Mais là... C'était tellement fort et si peu. Il était pas gêné. Il était vraiment, oh, leurs eyes. Il y avait même un gars, genre, en avant, complètement à l'opposé d'eux dans la salle, qui leur faisait des gros yeux. Je me disais, c'est tellement pas. C'est tellement pas la meilleure technique non plus parce qu'il est loin puis ton regard ne se rendra pas jusqu'à eux qui jasent et qui. Qui regardent même pas dans ta direction. Mais pour vous dire que le malaise, un peu quand même, ça s'est pas rendu jusque sur scène et si elle entendait, ben elle a pas fait de commentaires sur le sujet. Mais dans la foule, vraiment, là, mais. Je trouve ça. Ouais. Le savoir-vivre, crowd, un peu, s'il vous plaît. Je veux dire, chuchote au moins. Non, même là, tu peux pas chuchoter comme tout le long du spectacle. C'était... Ouais. C'est le moment que, oui, il va avoir comme les sentiments d'appartenance. C'est clairement t'es pas venu pour elle, mais t'auras pas cette réaction-là pour la personne pour qui t'es venu. Puis c'est ça qui est désolant. Alors, pour t'encourager, Lou Adrienne, mais t'as quand même fini deuxième. Fait que t'en as déjà tout plein d'encouragements avec les Francouvertes, mais on t'en donne aussi sur les ondes de la marge. On s'en va écouter. Ça va. Et si pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Lâche, je sport. C'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Qui ont pleuré en m'accouchant, comme les enfants de mes enfants qui sont morts-nés en m'accouchant. Quand je suis seule, je suis pas seule, je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là. Lâche juste pas, fais-toi en pas. Ça. Ben oui, comme vous aurez remarqué, mais il semble que tu peux pas parler par-dessus lui, Adrienne Cassidy. Il y a des silences, puis elle chante, puis il y a même pas d'instrument. Si tu blablabla à côté, ah! Enfin, cette table m'aura fait vivre, oui, quelques désagréments durant ma soirée. Je n'aurais pas été la seule dans la crowd, alors au moins, je me sens moins seule à avoir été titillée. Hey, par contre, crowd, durant l'entracte, c'est drôle, ça! Parce que, tu sais, quand il y a du monde qui gueule fort le prénom de quelqu'un pour qu'il ait son attention, et cette fois-ci, c'était quelqu'un au balcon. Mais je veux dire, je sais pas, c'est quoi le pourcentage dans la vie qu'un inconnu nomme quelqu'un que tu connais, puis tu fais, hey, mais moi aussi, je veux que tu le retrouves. C'était Sam Rick, ancien animateur de CISM, Hip Hop Café. Alors, il s'agueulait Sam Rick, et je suis bien heureuse de l'avoir croisé, puisqu'il n'anime plus à CISM, il est trop occupé, le beau garçon. Alors, j'aurais jamais su qu'il était dans la salle, parce que la crowd était quand même assez nombreuse s'il n'avait pas été gueulé. C'est bien fait, la crowd, pareil. Et le monde est petit, il faut quand même se le dire. Effectivement. Et ben oui, les rappeurs étaient présents dans la salle parce que la F en finale est gagnante. Leur énergie, je les trouvais un petit peu plus comme en gradation pour leur performance. C'est moins, justement, moins dans ta face dès le départ. Ça a évolué. Peut-être que c'est un petit peu venu moi-même chercher. J'ai l'impression que même dans la foule, c'est... non, move de bras, mais tu sais, ça rappe sur sa chaise. J'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de monde debout avant qu'ils le disent, puis ça a été vers la fin. Il y avait un gars qui était vraiment collé sur le bord de la la scène au début, puis ça durait vraiment pas longtemps. Je m'étais quasiment fait, je me disais quasiment, il doit se l'être fait dire, ah, assisez-vous. Mais non, ça n'a pas été le cas. Et par contre, je l'ai pas mentionné tantôt, mais retour du briquet. Ouais! Sortir la petite lumière, la bougie de poche qu'est le briquet pour les spectacles. Mais ouais, cette fois-ci, ça a été vraiment populaire. J'ai été surprise. Déjà, comme je dis, c'est moins fréquent. Souvent, les mondes vont sortir leur cellulaire, ce qui est bof. Mais aussi, je sais pas, tu sais, maintenant, avec les cigarettes électroniques, tu sais, sortir sa cigarette électronique, ah, pas sûr. Mais le briquet, ben, ça m'a prouvé qu'il y avait encore des fumeurs old school dans la salle. Ah, les tendances. Ou peut-être la crowd de l'AF apporte des briquets exprès parce qu'ils savent que le moment va se passer. On sait pas. Re-entraque, parce que je vous ai dit, il faut bien s'installer. Pour chaque groupe, il faut bien se détendre aussi comme crowd. C'est là que le moment de désagrément avec la table jasante, c'est confirmé, mais pas dans le bon sens du terme. Parce que j'ai entendu la phrase après la prestation de la F, ils ont dit, quelqu'un sur la table, « Ah, j'avais jamais remarqué à quel point il te ressemblait. » Tout de suite après. Fait que tu le vois bien que c'est le père, genre, de un de la F, puis ils sont nombreux. Mais je trouve ça tellement triste que ta crowd qui te suit, c'est pas vive! Ah! Ah! Parce que, en même temps, genre, c'est pas toutes les fans de la F qui sont même, là, ça c'est clair, ou pas toute ta famille, genre. Pour moi, je veux pas généraliser. Mais quand même, il y a une étiquette qui s'est faite entre « Ah, ses parents sont gossants ». Pauvre lui. Alors, ça change pas mon appréciation du groupe. Et je pense pas que c'est comme à grande étendue. Je sais pas comme. Paraît-il, il va falloir que j'aille faire sa critique de crowd à Mac DeMarco, mais ça a l'air qu'à Montréal, ça déborde, mais dans le pas bon sens du terme. Fait qu'on pourrait dire que ses fans montréalais sont plates, peut-être. Mais je pourrais jamais aller jusqu'à dire, ah, les fans de la F sont plates, mais juste comme, ah, il y en a un, là, de vous autres, que votre père, là, ah, il parle trop en spectacle, dis-y. Fait que, ouais, passez le message. C'est critique de crowd qui te le dit. Mais on va se calmer parce qu'on aime ça la F puis on va en écouter drette là. Pas le temps, pour de vrai là, pas le temps. Pas le temps de stresser, juste le temps de vibe là, c'est juste le temps de trafic après j'ai pas le temps de tester. Pas le temps, j'ai pas le temps, on m'a pas dit quand je parie, c'est juste le temps de vibe, c'est live, c'est live. Depuis que j'ai quitté trop d'énergie dans le corps, je vagabonde dans la ville, espérant me perdre, je refuse à perdre du temps. Alors j'écris où je peux, je t'amuse, c'est sérieux, c'est live, je dois vibe, faut être real. Ouais, ok, faut être real, donc quand je souris, c'est pour mes frères, je pense aux absents en fin de journée, eux qui me rappellent que j'ai pas le temps, damn. Peut-être que je finirai par couler, mais live donne le max, faut le faire. Pas le temps de stresser, juste le temps de vibe là, c'est juste le temps de rap, plus qu'après, j'ai pas le temps de rester. Pas le temps, j'ai pas le temps, on m'a pas dit quand je parie, c'est juste le temps de vibe, c'est live, c'est live. Pas le temps de stresser, juste le temps de vibe là, c'est juste le temps de rap, plus qu'après, j'ai pas le temps de rester. Pas le temps, j'ai pas le temps, on m'a pas dit quand je parie, c'est juste le temps de vibe, c'est live, c'est live. Damn, c'est live, c'est live. Damn, c'est live, c'est live. Damn, c'est live, c'est live. Damn. C'est live. Je pourrais faire le tour de la ville, main dans la main, toi et puis moi, je renie pas que c'est important, mais j'ai pas le temps. Je pourrais taper des extravagances gastronomiques en oiseau de métal, mais j'ai pas de fric. Ma maman me check du cob last minute pour le loyer, l'hydro, le bill de belle, puis les new snakes. Speedy gun, ça reste comme un fouchnik. La rythmique me fuck up dead. Très le choix, la lune, je pense que c'est le soleil. Les fesses sommeil, sous les mandats. J'ouvre les yeux, Christ, j'suis encore en retard. Je pourrais savourer l'instant présent, fermer les stores, manifester notre existence, entrelacer dans ses draps. Yo, c'est Kog, mon verse drop. Yo, c'est live, yo, c'est live. Hey, faut que je get the fuck. Pas capable de voir du fun, même quand je pète la pomme. Hey, donne des crises de pop. Play the bit of happiness avant que je pète les plombs. Hey, faut que je get the fuck. Pas capable de voir du fun, même quand je pète la pomme. Hey, donne des crises de pop. Play the bit of happiness avant que je pète les plombs. Écoute, travaille à part du blond, blanc, je suis occupé. Pas le temps, je suis trop bon, je sens que le temps va s'écouler. Jamais le temps d'écouter, always gotta talk first. Jamais le temps d'étudier, j'ai l'impression que pas. Fais ce son dans le corps. Oh la shit to do go. Pense en faut que tu bouges, t'es encore en retard. Toujours dans le temps, yeah. Fais comme dans le temps. Ou fumer avant le souper, c'était vraiment trop tentant. Pas le temps de stresser. Juste le temps de vibe, là c'est juste le temps de rap. Plus qu'après j'ai pas le temps de rester. Pas le temps, j'ai pas le temps. On m'a pas dit quand je parie, c'est juste le temps de vibe. C'est live, c'est live. Pas le temps de stresser. Juste le temps de vibe, là c'est juste le temps de rap. Plus qu'après j'ai pas le temps de rester. Pas le temps, j'ai pas le temps. On m'a pas dit quand je parie, c'est juste le temps de vibe. C'est live, c'est live. Damn, c'est live, c'est live. Damn, you're still alive, damn, you're still alive, damn, you're still alive. sur leur premier album, Monsieur, Madame, la F et la chanson Pas le temps, finalement diffusée sur les ondes de CISM. Et critique de Crowd. Et Crabbe, finalement, oui, j'aurais manqué un spectacle qui restera sûrement fort, fort, fort marquant pour les Francouvertes lorsqu'ils ont amené beaucoup trop de crowd sur scène. Et je sais pas... Oui, j'avais des attentes parce que, justement, il y a eu trop d'attractions durant les préliminaires, mais j'ai vraiment vécu un beau moment pour les finales avec Crabbe. On voyait déjà toute la... l'intérêt pour le groupe. On parle de fans, on parle d'amis, oui, les gens qui se déplacent, mais quand même, d'être déjà debout devant la scène, pas juste deux, trois personnes, pas juste une clique, là. Vraiment comme une pas pire bonne crowd en avant pour assister au spectacle. Et tant pis, les tables et les chaises qui étaient comme, ouais, pas si facile à déplacer. Il y avait un micro bordel de tables et de chaises, mais sinon, ça restait plutôt intact dans la disposition de la salle. Mais juste ça, moi, je trouve que ça prouve un intérêt pour le groupe. Puis l'intérêt de s'énerver, on dirait, je pense, dans la foule, il y avait une certaine volonté de foutre un peu le bordel. Tu sais, Crabbe au final, des Francouvertes, tout le monde... j'allais dire tout le monde se sent dépassé par les événements, mais peut-être pas non plus. Je veux dire, le groupe est excellent, ils méritent tout à fait leur place. Mais comme leur a dit Zouz en demi-finale, il y a un aspect peut-être overground. On s'attendait peut-être pas à ce qu'ils se rendent aussi loin dans la compétition, si on peut appeler ça une compétition, le concours vitrine. Mais ouais, complètement heureuse de voir une foule qui trash. Ça a été vraiment en gradation, là. Ça saute sur place, ça veut s'énerver, puis après ça, ça trash. Après ça, non, le trash confirme. Et après ça, je l'aurais testé un peu. Et des vrais coups, là. Tu sais, pas juste pour l'intention de trasher, là. On trash pour de vrai, mais avec zéro l'espace pour... Vraiment, parce que c'était complètement en longueur. Comme je l'ai dit, avec les tables, ça a été si peu déplacé que c'était un trash en longueur, mais comme un petit corridor. Ça pouvait être... je me suis dit, ça va être un peu complexe de se pousser, mais les poussées étaient quand même assez bonnes, fait que ça a été efficace. Et je remercie aussi le gars qui a décidé de body surfer. Oui, moi aussi, j'avais eu l'idée, mais on dirait qu'il y avait quelque chose, une énergie comme ça dans la foule, comme, oh mon Dieu, faudrait que ça se passe. Faut que quelqu'un body surfer aux Francouvertes. Mais je me disais, mon Dieu, c'est ben trop show-off, c'est ben trop, tu sais, le faire exprès, le faire pour le contexte. Alors, je te remercie parce que t'as eu plus d'audace que moi. Mais il a quand même duré un bout, un peu hollywoodien, parce qu'au nombre de crowd qu'on était, j'ai dit qu'on était nombreux, là, mais de là à dire qu'on allait traverser le club soda, non, tu sais, pas jusque-là. Mais il a duré quand même assez longtemps, alors il a bien fonctionné comme body surf, alors c'était très beau à voir. Mais ce qui était encore plus beau, c'est lorsque le chanteur lançait et rattrapait sa guitare comme ça, en la lançant, et qu'à la toute fin, il a décidé de sortir un tournevis électrique, un drill! Il a drillé sa guite! Comme ça, en avant, sur scène, pour bien faire une finale grandiose et tout en copeau de bois. Ouais, moi j'étais juste sur le bord de la scène. Je vous enverrai sur le Facebook des critiques de Crowd une photo où je suis beaucoup trop tranquille. Ouais, moi j'observais ça et je trouvais que ça sentait le brin de scie, alors je vivais un moment de détente dans le bois avec les Francouvertes. Alors, moment qui sera peut-être encore une fois un autre moment marquant et unique de l'histoire des Francouvertes. On va aller en écouter justement du Crabbe. Crabbe avec sur les ondes de CISM. Lab sur les ondes de CISM. Et voilà bientôt la fin de Critique de Crowd, mais aussi la fin des Francs couvertes. Ouais! J'ai fait mon devoir de critique de crowd. Je suis restée pour la fin, jusqu'à la fin, parce que le dépouillement des votes est quand même assez long et il se passe peut-être plus nécessairement de quoi dans la foule, mais je voulais justement en avoir la garantie. Et je ne serais pas la seule à rester jusqu'à la fin. Ah, les fans de la F également, qui étaient, encore une fois, assez partisans, dans le sens qu'ils sont volubiles et très expressifs dans leur amour pour le groupe, parce qu'il y avait plein de « oh oui » à chaque fois qu'ils gagnaient des prix, puis... Quand on a annoncé que c'était les gagnants-gagnants, là, parce qu'il y a beaucoup de remises de prix avant le décompte 1, 2, 3, et ça a été l'explosion. J'ai même vu le gardien de sécurité qui s'est un peu avancé parce qu'il avait peur. Il était comme « Oh mon Dieu, ils sont ben trop énervés! » Et on voit tout l'enthousiasme. Mais oui, comme je vous ai dit en début d'émission, le fameux ce concours de popularité, c'est quand on amène beaucoup de monde. Mais moi, je suis personnellement très heureuse qu'il ait gagné parce que dès le début, c'est un groupe que j'ai trouvé éblouissant. Sur scène, là, allez les voir absolument. Oui, allez voir Crabbe et allez voir Lou Adriaan. Les voir Crabbe, c'est clair que ça, c'est un spectacle, ça aussi. Mais ils ont une énergie sur scène que je trouve que c'est très rare de voir comme vraiment comme groupe. Il se passe quelque chose. Alors que que la crowd soit aussi déjà présente pour eux, qu'ils les connaissent ou non. Mais aussi, je trouve que ça change pas la qualité artistique. Des fois, quand on ressort de ces événements-là, comme je dis, il y a comme tellement de couches différentes pour apprécier le spectacle ou de questionnement ou d'opinion ou de perception qu'on assiste pas véritablement un spectacle. Est-ce que c'est la version la plus optimale pour découvrir un groupe? Critique de crowd vous dirait bien d'aller de continuer à aller voir des shows à l'ESCO, OK, parce que peut-être qu'ils sont aussi moins stressés. Et même la crowd est peut-être moins stressée. Je me suis fait dire ça comme commentaire au demi-finale. Comme quoi, la foule était peut-être un peu plus calme, juste parce qu'il y avait trop peur, genre que « Oh non, mon groupe va peut-être pas se rendre jusqu'en finale! » Fait que, ouais, ça peut... Il y a plein de perceptions comme ça qui sont minces, puis en même temps, sont super évidentes, parce que, des fois, avec ta face de maman, tu sais, on le sait que t'es venu encourager ton fils. C'est bien des aspects, mais pour moi, reste que, oui, la musique était bonne, et ça reste aussi ça, l'essentiel, c'est qu'on récompense des groupes qui ont du talent, puis qui méritent d'avoir un bon exposure, comme on dit. Alors voilà, c'est la fin de Critique de Crowd pour cette semaine. Distorsion! On se croise là-bas en fin de semaine, puis je t'en reparle sur les ondes de la marge, parce que, Critique de Crowd, ça revient à chaque semaine, et c'est toujours un honneur d'y animer. Je vous dis bye-bye! Nouveauté chez Slam Disc, Frank Custo, le chanteur des Connards à la rampe. Oh Robert motivé. Frank Custo sort son premier album solo, Départ doux. De mauvais choix, toute l'embarcalanité calme. Ça parle de bière, de mort, d'amour et de punk rock. Ça doit faire chier être mort. Édition Vénile Jaune, en magasin en ligne, disponible maintenant. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Venez vivre des moments inoubliables en famille avec le festival Petit Bonheur à Montréal du 4 au 13 mai. Au programme 150 représentations artistiques culturelles. Visitez le www.petitbonheur.ca ou réservez au 514-872-7727. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Zafest est de retour. Le Festival Punk Rock de Montréal célèbre sa 8e édition au cœur du magnifique centre-ville de Montréal les 18, 19 et 20 mai prochains. Offrant des spectacles extérieurs gratuits allant de face-to-face à Real Big Fish, Anti-Flag, The Creepshow et plus encore. Plus de 180 groupes dans 5 lieux sur 3 jours. Jardin des bières extérieurs, activités pour enfants, yoga, punk rock, tournoi de baseball et beaucoup plus. Présenté par la brasserie Bose All Natural, Le Trou du Diable et Sailor Jerry. Visitez pulzafest.com pour la programmation complète, les billets et l'horaire. Les délicates buvettes. Diantre, le moment n'est point choisi pour être assoupi. Nous honorons les établissements de plaisance de notre délectable présence. Rare celui qui vaincra nos connaissances brassicoles. Col extra. Qu'est-ce que vous faites? Toi, qu'est-ce que tu fais? Les bandes down. Non, c'est pas tout le temps d'aller t'étendre. Nous autres, on sort dans les plus nice bars. On parle de bière comme personne d'autre peut le faire. cervoise de qualité. Pina. Clavecin. Petit soulier pointu. Cocktail de réjouissance. Bâti folage. Incommensurable. Je vais fondre la vitalité des ténèbres. Les bars tendent le vendredi à 14h30 à CISM. Salut, petit gars. Bonjour, je suis à la recherche de Amazing Spider-Man 129. Oh, un connaisseur, la première apparition du Jackal, ça va te coûter cher, ça. Je vais le prendre, mais juste s'il est mint. En échange, j'ai Stadium Events. Pour mieux comprendre la culture geek, écoute Les Geeks ont raison, les mercredis à 10h30 à CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. On s'en va écouter un show de radio. Ça s'appelle Roche, papier, ciseaux. Les filles aiment les podcasts, you know. Elise, le go est trop flat. Roche, papier, ciseaux, allume maintenant, c'est le best game que tu pourras jamais jouer. Roche, papier, ciseaux, allume maintenant, c'est